Chapitre 4. Cependant, Geneviève avait grandi. C'était maintenant une petite fille de 10 ans, mignonne, jolie, à l'air recueillie, avec quelque chose de réservé et de mélancolique qui se trouve assez fréquemment chez les enfants à qui a manqué l'expansion. À son père, elle avait pris la pureté des traits, la finesse, l'élégance des formes. À sa mère, la douceur de la physionomie, la tendresse du regard, la simplicité des manières. En tout, une charmante enfant au visage gracieux, avec un nez droit, une bouche petite, aux lèvres régulièrement arquées, des grands yeux profonds, un front pur couronné d'une épaisse chevelure blonde frisée. Adorée par sa mère, qui était en admiration devant elle, elle n'avait fait que ce qui lui plaisait depuis qu'elle était en âge de vouloir, et ce qui lui avait plu, ça avait été de jouer avec sa voisine, la petite Odile, ou bien de rester dans les plis de la jupe de sa mère, à regarder celle-ci travailler sans bouger. Un jour, quand elle avait atteint ses 7 ans, son père, qui la traitait plutôt en petite bête gâtée qu'en enfant, avait parlé de l'envoyer à une pension des environs où on lui apprendrait à lire. « Il faut aimer ses enfants pour eux et non pour soi », avait-il dit d'un ton grave, « on a des devoirs envers eux ». Mais le père parti, l'enfant avait si bien pleuré que la mère, qui tout d'abord n'avait rien osé répondre, s'était laissée attendrir. « Qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne à la pension, papa ? À lire, à compter, à écrire, tout ce qu'on enseigne aux petites filles. Pourquoi ne me l'enseignes-tu pas toi, maman ? Je ne suis pas une savante. Tu sais lire, compter, écrire, tu es assez savante. Tu verrais comme j'apprendrais bien avec toi, je ferais tout ce que tu me dirais. Odile ne va pas à la pension. » Ses sœurs la font travailler. « On travaille bien mieux avec sa maman qu'avec ses sœurs, je t'en prie. » La mère ne savait rien refuser à son enfant, mais d'autre part, la femme n'osait pas résister à la volonté de son mari. Elle s'était trouvée dans un terrible embarras. Pour en sortir, elle avait tâché de fléchir cette volonté, mais au premier mot, M. de Mussidan s'était fâché. « Je ne veux pas qu'on m'accuse de négliger mes devoirs envers mes enfants. Elle ira en pension, je le veux. » Il avait fallu dire ce « je le veux » à l'enfant, qui n'avait répondu que par un torrent de larmes, et qui, la nuit, avait poussé des petits cris en dormant. Le matin, elle s'était trouvée malade, douleur de tête violente, fièvre, pupilles dilatées, impossibilité de supporter la lumière. On avait fait venir un médecin qui, après l'avoir examiné, avait interrogé les parents. « Est-ce que cet enfant éprouvait une vive contrariété ?»« Aucune, » avait répondu M. de Mussidan. « C'est l'enfant la plus heureuse qui soit au monde. » Mais la mère avait raconté l'histoire de la pension. « Si vous tenez à l'envoyer en pension, » avait dit le médecin, « attendez un peu. Elle me paraît dans un état de surexcitation qui demande des ménagements. »« Craignez-vous donc quelque chose de grave ?» s'écria M. de Mussidan. « De grave, non, au moins pour le moment. Mais il pourrait survenir des accidents du côté des ménages et nous devons veiller à les écarter. Une méningite ? Je ne dis pas qu'elle soit menacée d'une méningite. Mais enfin, c'est une enfant qu'il faut surveiller, qu'il faut ménager. » Elle sera ménagée, elle n'ira pas en pension. Une méningite, ma fille. Une méningite, sa fille, s'exposer à la perdre. Mais il l'aimait, cette petite bête. Mais c'était pour elle qu'il s'était marié. Mais c'était sur elle qu'il avait arrangé sa vie. Était-il donc possible qu'elle mourût avant Mademoiselle de Puylaurens ? Elle n'avait donc pas été mise en pension. Ça avait été sous la direction de sa mère qu'elle avait appris à lire, à écrire, à compter, et très vite appris avec une grande facilité, surtout avec une extrême docilité. Quand sa mère l'approuvait pour une leçon bien sue ou une fable récitée sans faute, la petite se mettait à rire avec malice. « Est-ce que je l'aurais mieux apprise en pension ? » disait-elle. Ça avait été un grand chagrin pour Madame de Mussidan de n'être pas savante, comme elle disait, et de ne pouvoir enseigner à son enfant que le peu qu'elle savait, et ce n'était pas grand-chose. Sans doute elle aurait pu s'adresser à son mari, pour le prier de la guider et même pour lui demander de la supplier dans ce qu'elle ignorait. Mais elle n'osait pas. Jamais il n'avait paru s'intéresser à ce que faisait l'enfant, et souvent même, quand elle apprenait sa leçon dans un coin en la marmottant, il l'avait envoyée sur le balcon en lui disant qu'elle l'ennuyait. Assurément, elle était trop jeune encore pour qu'il s'occupât d'elle et se mît à sa portée. Cela n'était possible que pour un esprit simple et non pour une intelligence supérieure comme la sienne. Plus tard, il l'élèverait jusqu'à lui, quand elle serait en état de le comprendre. Ce qui l'avait surtout peiné, ça avait été de ne pas pouvoir faire travailler la musique à Geneviève, qui, de ce côté, était véritablement douée. Ah, si j'avais une fille comme la vôtre, disait souvent Madame Guesviller, qui s'amusait à faire chanter à la petite les airs qu'elle avait entendus en jouant sur le balcon. Précisément parce qu'elle n'avait rien appris, Madame de Mussidan aurait voulu que sa fille apprît tout, le français, l'anglais, l'italien, la peinture, la musique. Elle s'imaginait que plus une femme sait de choses, plus elle est parfaite. Il ne fallait pas que sa fille souffrît auprès de son mari comme elle-même souffrait auprès du sien. Il fallait qu'elle fût digne de lui, qu'elle le comprît, qu'elle lui plût, qu'elle se fît aimer, qu'ils n'eussent qu'un même esprit comme un même cœur. Chez les Guesviller, on ne vivait absolument que pour la musique. Non seulement du matin au soir on faisait de la musique, mais encore, quand on n'en faisait point, en jouant de quelque instrument, on en parlait. Pour la mère, pour le père, quand il venait une fois par an, pour les fils, pour les filles, il n'y avait pas d'autre chose au monde que la musique, pas d'autre travail, pas d'autre plaisir. Le français, la grammaire, l'écriture, à quoi bon? À quoi cela peut-il servir? Le solfège d'Italie, la méthode de celui-ci, les exercices de celui-là, à la bonne heure. La petite Odile l'avait émise à ce régime et dès 4 ans, on l'avait campée devant un piano. Il fallait qu'elle fît comme ses frères et sœurs. À 4 ans, Mozart avait du talent. À dire vrai, Odile aurait mieux aimé jouer à la poupée sur le balcon avec son amie Geneviève que de travailler son piano. Mais sur la question du travail, Madame Guesviller, véritable pion de cette nombreuse famille, était inexorable. On n'avait le droit de s'amuser qu'après qu'on avait fait une demi-heure ou une heure de travail par-dessus le marché. Ne pouvant pas jouer avec sa camarade, Odile appelait Geneviève pour que celle-ci assistât à sa leçon qui lui était donnée par sa sœur aînée. Et tant que la leçon durait, Geneviève restait debout à côté du piano, immobile, silencieuse, recueillie, regardant tantôt la musique, tantôt les doigts de son amie courant sur les touches, le plus souvent ne regardant rien du tout, absorbée en elle-même. Puis, la leçon finie, au lieu de se mettre à courir avec Odile, qui ne demandait qu'à secouer ses jambes engourdies, elle disait à Sophie, la sœur aînée, « Joue-moi quelque chose. Que veux-tu que je te joue ?» Alors elle indiquait le morceau qu'elle voulait entendre. Seulement, au lieu d'en donner le titre qu'elle ne savait pas, elle en chantait un passage, celui qui l'avait frappé pendant qu'elle l'avait entendu étudier. « Surtout, n'accroche pas, » disait-elle. « Comment que je n'accroche pas ?»« Tu sais, à ce passage, elle le chantait. » Si tu savais comme tu me donnes des émotions quand tu n'arrives là. Que papa me parle, que maman m'explique quelque chose, je n'entends que toi. Quand l'endroit dangereux approche, je me dis, elle va accrocher. Comme je suis contente quand tu le passes bien, mais quel chagrin quand tu verses. Quand M. de Mussidan avait, pour les 10 000 francs de mademoiselle depuis Lorins, meublé son appartement, il avait acheté un piano non pour en jouer lui-même, mais parce que cela complétait un ameublement. Rentrée près de sa mère, Geneviève ouvrait ce piano et, posant ses mains sur le clavier, elle cherchait à reproduire ce qu'elle avait vu faire et ce qu'elle avait entendu, ou simplement elle cherchait des combinaisons de sons, des successions de tierces qui lui plaisaient à l'oreille. Assistée aux leçons d'Odile, à écouter de son balcon les autres enfants travailler, elle avait si bien exercé son oreille qu'elle savait reconnaître en quel ton il jouait et par quel ton il passait. De même, pour les petits marchands qui venaient sur la place, elle les désignait à sa mère par une appellation musicale. « Maman, c'est la marchande de légumes qui crie en dos. » C'était cela qui faisait dire à Madame Guesviller « Si j'avais une fille comme la vôtre. » Et c'était cela aussi qui faisait dire à Sophie, donnant la leçon à Odile « Si tu étais douée comme Geneviève, c'est cela qui sera amusant de te faire travailler. » De là, à vouloir faire travailler Geneviève, qui pousserait peut-être Odile par l'émulation, il n'y avait pas loin. Ce pas avait été franchi et les deux petites filles avaient travaillé ensemble.